Le principe de l'intelligence réelle. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'intelligence réelle ne repose pas sur l'accumulation de formes, mais elle s'avère être la capacité de gérer adéquatement son rapport avec elle en s'appuyant sur sa capacité à faire une lecture vibratoire de ces dernières. Lorsque l'individu se développe au niveau de l'âme, il peut chercher à s'imprégner de formes pour compenser le fait qu'il ne bénéficie pas d'un accès immédiat à l'intelligence réelle de nature vibratoire. Cette dernière s'avère issue de sa capacité d'intercepter et gérer avec discernement le savoir provenant de l'esprit de manière à conserver son équilibre psychique. L'individu vivant au niveau de l'âme est parfois comparable à la personne qui n'a pas accès au réseau Internet. Elle peut avoir tendance à accumuler des livres sur différents sujets pour se doter d'une vaste mémoire sur laquelle elle va s'appuyer pour vivre sa vie. Étant donné qu'elle n'a pas accès à la capacité d'aller chercher directement l'information de manière instantanée à mesure, lorsque l'individu se conscientise, il est de moins en moins intéressé à accumuler de la forme pour se donner une autorité et de la sagesse. Cela s'explique parce qu'il a de plus en plus accès à une vibration qui, gérée adéquatement, va lui donner accès à une identité et à un savoir immédiat. Donc, il a de moins en moins intérêt à mémoriser des informations venant de livres. Il n'a plus soif de connaissances et il ne cherche plus à être rempli par elles parce qu'il sait qu'il sait. L'accès à cette conscience de savoir repose sur sa perception vibratoire. Il n'a plus envie de s'alourdir et de colorer son aura de forme astrale issue de mémoire. Par contre, il demeure néanmoins conscient que pour fonctionner dans une société où les gens ne vivent pas cette conscience vibratoire, il peut avoir à étudier en accumulant des formes pour se spécialiser dans un secteur d'activité et pour être capable d'intégrer le marché de l'emploi et de travailler ensuite. Si l'âme de haute évolution spirituelle n'est pas capable d'intercepter et de véhiculer une vibration, générant de nouvelles formes, s'appuyant sur son contact avec l'esprit, elle va dans certains cas décider d'accumuler des mémoires en faisant preuve de jugement en vue de se positionner intelligemment dans son existence. Cela fait en sorte que certaines personnes accumulent des diplômes et se dotent d'un savoir encyclopédique qui peut avoir une certaine utilité. Par contre, l'accumulation de mémoire, bien qu'elle soit sécurisante pour l'ego, elle l'alourdit et le garde limité dans sa compréhension de la réalité. Dans un autre ordre d'idée, si l'âme vit la fusion avec l'esprit, elle va être appelée à se dépouiller de toutes les mémoires qui ne lui sont plus utiles en s'appuyant sur seulement l'intelligence issue de son rapport à l'esprit pour gérer sa vie. Travailler avec l'intelligence réelle, fruit de la gestion lucide de son contact avec l'esprit, implique que l'individu se dépouille des mémoires anciennes nuisibles, le rattachant à la conscience planétaire astrale. Cela peut l'amener à faire le deuil de livres et d'enregistrements qu'il doit se départir. L'individu doté d'une intelligence réelle est capable de manifester son intelligence à partir du vide de forme, soit en transigeant consciemment avec une vibration de l'esprit, sans le soutien de forme préexistante. Plus un individu manifeste un mental qui présente une vibration haute et légère, et plus il véhicule une intelligence réelle. Par contre, plus il vit de l'insécurité qui l'amène à se référer à des formes anciennes, et plus il est alourdi dans son fonctionnement psychique et sa vibration est basse, car il se réfère alors à un savoir ne venant pas de lui. Il est dans une situation d'ignorance vibratoire et de dépendance. Plus l'individu a accès à l'intelligence réelle, moins il est sous influence astrale et plus il fonctionne de manière créative, autonome et sans réflexion. L'une des propriétés de l'intelligence réelle, qui est fondamentale, est le fait qu'elle véhicule une énergie générant de la vitalité chez celui qui l'exprime et procurant un sentiment de plénitude qui élève la vibration. Le fait d'avoir accès à un contact psychique avec l'esprit ne donne pas accès automatiquement à l'intelligence réelle, bien que cela s'avère un préalable. Il permet seulement de percevoir la réalité de manière vibratoire. Ce qui donne accès à l'intelligence réelle est la capacité de transiger suffisamment intelligemment avec lui, de sorte que son contact soit plus utile que nuisible. L'esprit est comme un feu. Il peut servir à nous éclairer, mais il peut aussi nous brûler, si on n'y fait pas attention par manque de vigilance. L'esprit n'est pas bon ou mauvais en soi, c'est la manière qu'on se comporte avec lui qui va déterminer notre niveau d'intelligence réelle et l'impact qu'il a sur nous. L'intelligence réelle est le produit de la gestion individuelle de sa psyché. C'est ce qui permet de composer intelligemment avec l'intelligence de l'esprit sans être impressionné par lui et souffrir de ce dernier. Par conséquent, l'humain ne reçoit pas passivement l'intelligence réelle comme il peut recevoir des idées ou une vibration venant de l'esprit. Elle est plutôt le résultat de l'exercice actif de son jugement. L'individu peut recevoir des idées et des mises en vibration venant de l'esprit, se rapportant à l'importance de se libérer de mémoires anciennes et de charges émotionnelles qu'elles comportent, l'alourdissant et le liant psychiquement au plan astral. Par contre, cela n'appartient qu'à l'individu de se libérer lui-même des mémoires anciennes qu'il présente en se dépouillant d'elles et en manifestant sa capacité d'agir autrement avec une force de volonté pour se libérer des résistances qu'il peut présenter, se rapportant à elles qui peuvent l'amener à rechuter, surtout si elles sont très addictives. Se libérer de mémoires fortement astralisées peut parfois être vécu de manière comparable à un sevrage d'une drogue qui peut occasionner des symptômes physiques et psychologiques au début. Donc, cela demande beaucoup de volonté à l'individu parce que ce n'est pas l'esprit qui va le faire à sa place, mais lui dans la matière. Par exemple, l'esprit peut indiquer à l'individu qu'il serait utile qu'il nettoie sa chambre, mais il ne le fera pas à sa place parce qu'il ne réside pas sur le plan matériel, mais celui éthérique. Donc, il appartient à l'individu d'agir concrètement pour nettoyer sa chambre s'il a l'intelligence de percevoir la vibration que c'est utile d'agir ainsi. Et c'est la même chose pour le nettoyage de sa psyché, des mémoires qui alourdissent. Voilà ce qui termine la lecture de l'écrit que j'ai produit et qui porte sur le principe de l'intelligence réelle. Vous pouvez, en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo, accéder à ce document.